vois bien, le crew avance masqué. Les anciens gentils sont devenus détraqués. J'ai vu les fans de stup, la flamme dans leurs yeux. J'ai vu un être humain qui essayait d'être heureux. J'ai vu la région sud écrasée sous le soleil. J'ai vu les moines du stup prier dans leur sommeil. J'entends les guerriers qui avancent, des cris dans la nuit. Les autistes pleurent et le silence fait du bruit. L'air du stup, pas si humoristique. Donne-moi de l'argent, du courage et du plastique. Les humains sont amers, la musique s'amplifie. Les archémiones ont attaqué par défi. Les régions fédérées, créées dans la lumière. Le monastère du stup et ses 60 prières. Les rangs organisés se sont alliés au cimetière. L'Ouest entre en guerre et les squelettes sortent de terre. Pour toi, mon garçon, plus qu'une seule solution. Stup monastère et ses 60 prières. Les rangs organisés se sont alliés au cimetière. L'Ouest entre en guerre et les squelettes sortent de terre. Pour toi, mon garçon, plus qu'une seule solution. Stup monastère et ses 60 prières. Instaurer une nouvelle ère. Pour toi, mon garçon, plus qu'une seule solution. Pour toi, mon garçon, plus qu'une seule solution. Stup monastère et ses 60 prières. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Just want to. Oula, un petit problème technique, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'était le mauvais micro qui s'est mis en route, donc je parlais tout seul dans le vent. Nous y voilà donc après une pause musicale un petit peu plus longue, on est un petit peu revenu avec notre invité sur le déroulement de l'émission. Donc Daniel Carl, bonsoir. Bonsoir Xavier. Vous allez bien avant Très tout bien, merci beaucoup. Ça caille un peu, il fait froid là à Montbazon, je suis sorti, moi je vais... glacé, j'attends avec impatience le retour des bonnes températures. Oui, oui, moi aussi. Donc Daniel Carl, je vais un petit peu vous présenter. Vous êtes donc brodeuse restauratrice textile, ce qui est c'est assez compliqué à dire. Oui. Et vous êtes coordinatrice du groupement artisan d'art de Montbazon, oui, avec Nancy Texier, maire adjointe à la culture et la commission culturelle. C'est ça, exactement. Donc je ne me suis pas trompé. C'est un peu long, mais on a réussi à le faire. Et on va donc parler de ces journées européennes des métiers d'art. Donc avant tout, qu'est-ce que sont, de manière générale, ces journées? Qui en a été à l'initiative? Et un petit peu, quel est le but de cet événement? Alors, le but de cet événement, ce sont de mettre en avant les métiers d'art et les artisans d'art en particulier, au plan national et au plan européen. Alors, à l'origine, c'était essentiellement français, ouais. Mais maintenant, pas mal de pays viennent à joindre cette manifestation parce que c'est une opération vraiment de grande valorisation et nos métiers d'art en ont besoin. Oui, effectivement, parce que ça devient de plus en plus... c'est des publics qui sont assez de niche, c'est un peu compliqué, c'est des métiers souvent qui sont durs. Oui, et peu connus aussi. C'est ça. C'est ça. Effectivement. Alors, justement, vous me disiez qu'il y a eu une évolution, que maintenant l'Europe, enfin, des pays extérieurs s'intéressent à cet événement. Quelle a été un petit peu l'évolution, parce qu'on en est maintenant à la dixième édition de cet événement. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé depuis les premières jusqu'à maintenant? Alors, au tout début, c'était quand même à partir donc, du ministère de la Culture et de l'Artisanat également. Ça a été vraiment très ponctuel, dans un degré quand même assez moindre, oui. Alors que maintenant nous atteignons vraiment une participation très très importante au plan national, notamment par exemple avant-hier j'étais à Paris, j'ai pu voir toutes les animations qui sont programmées pour ces journées européennes des métiers d'art et c'est prodigieux. C'est vrai. Mais à noter que c'est en Touraine que nous avons le plus d'artisans d'art qui vont ouvrir leurs portes, oui, d'ateliers et qui vont participer à un groupement comme celui que nous mettons en place à Montbazon. Les 22 exposants, donc, justement, c'est qui seront c'est présents. Ça, ouais. Avec, on y reviendra, mais vraiment un nombre de métiers assez riche et assez, oui, encore une fois, très... Très variés, ouais. voilà, exactement. Des métiers dont on n'a pas l'habitude de voir. Oui. Et donc, cette manifestation va avoir lieu le vendredi 1er avril, le samedi 2 et le dimanche 3 avril. Ouais, donc à Montbazon, encore une fois. À Montbazon. Donc, le vendredi, ce sera de 16h à 19h pour le public, puisque avant, nous allons accueillir les enfants des écoles, ouais, sur le temps d'activité périscolaire. Et là, il y a toujours vraiment un grand intérêt à bien les sûr accueillir et ils sont friands de tout ce qu'on clairement peut leur présenter. Bien entendu. On leur prépare un petit jeu indice et puis ils répondent à des questions et comme ça, ils font connaissance avec les différents artisans. Et donc, cette partie-là, elle est pas ouverte au public. C'est la partie non. C'est spécifique, spécifique à ces écoles. Tout à fait. Très et bien. Puis, le samedi et le dimanche, ce sera ouvert de 10h à 19h. Non-stop, ouais, et c'est gratuit. Voilà, important de le préciser. Pour vraiment aller à la rencontre du public et que le public n'hésite pas à nous rencontrer, c'est et ça, voir nos démonstrations et tout ce que nous faisons comme animation autour de nos métiers. Et justement, ce public, il a été, comment ça a été reçu, encore une fois, avant d'arriver spécifiquement à l'événement de Montbazon? Comment ça a été reçu sur les premières éditions? Est-ce qu'on a tout de suite eu... est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent? Est-ce que la tranche d'âge peut-être évolue aussi? Enfin, quel est le public touché et comment il évolue? Alors, je dirais que je ferai un petit peu le parallèle avec les journées européennes du patrimoine. Mmh. C'est un petit peu pareil. Donc, les premières fois où les journées du patrimoine avaient lieu, il y avait un public assez restreint, bien sûr. Mais au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de sites qui ont été ouverts. Ouais. Et comme là, pour nous, ce sont les artisans d'art. Et ça a drainé de plus en plus de public. Et maintenant, il y a même des gens qui organisent leur week-end ouais. autour d'un circuit, mmh. autour des métiers d'art qu'ils souhaitent visiter. Et c'est pour ça que moi, j'ai suggéré de créer un groupement à Montbazon, ouais. Puisque nous sommes à la campagne, ouais, bien sûr. Effectivement. Et certains visiteurs, ah bah oui, mais ça fait quelques kilomètres pour aller voir un tel, ça fait quelques kilomètres pour mmh. aller voir un autre. Donc, on n'arrivait pas à capter tous les publics. Ouais, c'est très, sûr. Très important pour nous. Si bien que là, automatiquement, en un seul lieu, pouvoir réunir 22 métiers, 22 artisans ouais. d'art, ça génère évidemment un visitorat considérable. Mmh. Et on espère justement que cette nouvelle édition générera encore plus de public. Tout à fait, puisque l'année dernière, nous avons eu 1700 visiteurs sur deux jours presque et demi. Et là, vous avez déjà des idées, des estimations de combien on pourra avoir de personnes ? On pourra facilement avoir ça, puisque j'ai déjà eu des demandes, d'ailleurs, par téléphone, de renseignements complémentaires par rapport, tout à la communication qui est faite par la CCVI, ouais. le petit livret d'information. Mmh. Envie de sortir ou voilà, c'était présent. Voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Oui, tout à fait. Donc, ça va bien fonctionner. Et bah, c'est tout ce qu'on souhaite. Mmh. Donc justement, maintenant, revenons à Montbazon, mm-hmm. à début avril. Oui. Peut-être un petit peu parler où aura lieu cet événement, quand, vous l'avez déjà dit, mais juste le répéter peut-être. Encore une fois, mm-hmm. rappeler que c'est gratuit. Tout à fait, oui, c'est gratuit. Donc vendredi 1er avril, samedi 2 et dimanche 3 avril. Et il y a deux endroits qui vont être occupés par cette manifestation. Mais c'est très, très proche l'un de l'autre, ouais. puisque le premier et l'essentiel, c'est l'espace à tout cœur, que ouais. beaucoup de personnes connaissent, bien sûr, dans la communauté de communes, bien sûr. Maintenant. Et puis, juste en face de l'espace à tout cœur, et que de nombreux amateurs d'art ouais. connaissent également, la Maison des Arts et Découvertes, d'accord. qui se trouve juste à côté et pas très loin de l'Office du Tourisme. Donc les deux, on ne pourra pas venir uniquement à la tout cœur sans voir la Maison des Arts. Ça serait dommage. Voilà, d'autant plus qu'à la Maison des Arts, il y a, disons, une installation un petit peu particulière mm-hmm. Qui est dédiée au métier du métal. Ouais. De l'utilitaire au précieux. Avec justement des meilleurs ouvriers de France qui seront prévus pour ça. C'est ça. Donc nous aurons 5 meilleurs ouvriers de France ouais. qui vont travailler autour du métal. Nous allons avoir notamment un graveur héraldique qui va travailler sur une chevalière ou un autre bijou ouais. Comme ça. Nous allons avoir un joaillier. Mmh. qui va vous montrer son chef-d'œuvre de meilleur ouvrier de France. Et c'est un carrousel en or et argent. Il y a 2,5 kg d'or et d'argent. Vous allez en avoir plein les yeux. Ce sera sous vitrine, ce sera sécurisé, ah, j'imagine. Ne touche pas. Mais il va faire une démonstration de son travail. Ouais. Il va déplacer son établi mmh. pour ça. Nous allons avoir également une création contemporaine en métal, objets utilitaires et des défis techniques. Ouais. Avec un chaudronnier. D'accord. Et également avec un plombier. Alors, qui dit plombier pense forcément à tuyauterie de ouais, salle de bain. Effectivement. Mais là, non, c'est très, très beau. C'est vraiment spécifique. C'est plus une performance artistique alors que vraiment que dans une application. Absolument. Voilà. Tout à fait. C'est très bien résumé. Oui, oui. Merci. Oui. Et donc. Et vous-même, d'ailleurs, je me permets de vous couper. Vous-même, vous serez aussi. Oui, je serai là aussi. Bah oui. Oui, parce que je travaille aussi le métal. Et ouais. Voilà, je suis moins connue pour ça, mais je travaille le métal également. Métal sous forme de candy. En fait, c'est un petit ressort mm-hmm. Gainé d'or ouais. Ou de métal doré, en tout cas. Et puis des petites perles, des petits sequins, plein de choses comme ça. Et donc, il y aura des démonstrations avec ces cinq... Oui. Il y aura des démonstrations sur tous ces stands. Et notamment, donc, le plombier, Alain Rosé, va faire une démonstration de travail de plomb. à la façon des fontainiers de Versailles. Donc c'est vraiment exceptionnel. Bah ça a l'air très technique en tout cas. Je suis assez, moi-même je serai d'ailleurs présent sur l'événement, donc je suis assez pressé justement de voir tout ça. D'accord. Et donc pour revenir sur tous ces métiers qui seront présents, mm-hmm. on en a j'en ai un petit peu sélectionné quelques-uns qui parlent pas forcément. Oui. Donc on a un vanier d'osier. C'est ça. On a un mosaïste. Oui. Des graphistes, des peintres sur bois, mm-hmm. sur lin. Oui. Donc c'est encore une fois des métiers, émailleuse de miniatures. Oui. Donc, c'est... Alors ce sont les émaux de Limoges. Limoges est une ville spécialisée dans le travail de l'émail. Ouais. Donc c'est, en résumé, pour faire court, c'est du verre qui est coloré. Mmh. Et chauffé à une extrême température et cloisonné. Et donc, on obtient des figures, des miniatures absolument fabuleuses, des bijoux. Ouais. C'est magnifique. Et ces personnes feront également des démonstrations ou c'est uniquement réservé pour les cinq en principe, tous les stands qui sont à l'espace à tout cœur, les stands que vous avez énumérés, vont faire des démonstrations de toute façon. D'accord. Oui, oui. Pour les métiers qu'ils permettent, hein, bien sûr. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Donc là, on est plutôt en face de métiers peu connus, des métiers très spécifiques. C'est ça, oui. Alors, qui justement a décidé de quel métier serait présent ? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est en fonction des disponibilités des gens ? Et comment définir justement que, rapidement, parce qu'on en discutait un petit peu avant l'émission, c'est assez compliqué de mettre le doigt dessus, mais comment définir qu'un métier est considéré comme un métier d'art par rapport à un autre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi ce métier sera un métier d'art ? Alors, métier d'art, j'évoquais tout à l'heure la plomberie. Ouais. Donc évidemment, quand il s'agit de tuyauterie, de salle de bain, c'est de l'utilitaire. C'est ça. À la base, bien sûr. Ouais. Mais cette personne est tout à fait en capacité de réaliser des pièces artistiques, donc des créations qui lui sont propres. Ouais. Et notamment, nous avons le chaudronnier, donc Eric Matron, qui lui est chaudronnier, donc il travaille pour une très très grande entreprise pour faire, par exemple, des mélangeurs, enfin vraiment quelque chose de très technique. Mmh. Et à côté de ça, au point de vue artistique, c'est un artiste et il fait par exemple des soutiens-gorge en cuivre et en laiton. Effectivement, ça change du... c'est pas le même but. Et c'est magnifique à voir. Et c'est que des personnes qui ont un métier, disons, une application technique à la base et qui, de leur propre chef, souhaitent avoir une partie artistique, où il y a vraiment des métiers qui sont spécifiques dans ce domaine, qui sont très... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est toutes les personnes qui travaillent dans ces métiers ont leur travail à part et font ça Non, absolument pas. Là, vraiment, j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes qui ont la fibre artistique également. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant de pouvoir montrer ce que ces personnes sont capables de faire, en dehors de leur activité utilitaire. Oui, c'est ça. Tout simplement. Et donc, c'est vous qui avez... Enfin, c'est ceux qui ont créé l'événement qui contactent ces artisans ou c'est les artisans qui vous contactent ? C'est comment on choisit ? Alors maintenant, nous sommes très contents à Montbazon puisque les artisans en Indre-et-Loire commencent à connaître de réputation notre groupement et nous sommes sollicités. D'accord. Avant, c'était dans les éditions, enfin par le passé, c'était vous qui alliez sollicités, mais maintenant... Mais en général, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Mm-hmm. Donc, nous mettons à l'honneur en priorité les artisans d'art du Val de l'Indre, de la CCVI, c'est vraiment très important. Nous en avons donc de Mont, Vénier, Montbazon, évidemment. Ouais, forcément. Èvres, et ainsi de suite, comme ça. Mais autrement, donc, je recherche, et comme je participe à de nombreux salons, donc autour de moi, bien sûr, je peux repérer des artisans d'art qui ont une technique qu'on ne voit pas partout, comme vous évoquiez justement peinture sur lin, ouais, bien sûr. voilà, c'est très rare. Et puis d'autres maquettistes d'art, donc de Vigny, Alice Delhoule, c'est fabuleux ce qu'elle fait. Enfin, tous font des réalisations fabuleuses. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que ça se passe. Mm-hmm. C'est un peu au feeling aussi et en fonction de leur démarche artistique que je me dis, ah voilà, ça serait super de pouvoir en faire bénéficier nos visiteurs c'est à Montbazon. C'est ça, bien sûr. Et je me demandais justement... Parmi tous ces métiers, on a quand même, encore une fois, c'est des choses très rares. Oui. Est-ce que c'est des métiers qui ont encore une possibilité d'avenir, en quelque sorte, avec tout ce qui est technologie moderne et besoin d'aller vite, besoin de faire de la rentabilité? Est-ce que ces personnes, elles arrivent encore à l'heure actuelle? Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est juste... comment ils font? Je dirais que je ferai un petit peu le parallèle avec la culture bio. Ouais. Ça revient. Ouais. Et là, on est un peu dans la même démarche, quoi. Mm-hmm. Évidemment, à l'heure de tout vite fait, tout prêt, là, on est dans une démarche complètement différente. Ouais. Donc, il faut s'imposer. Il faut vraiment... C'est beaucoup communiquer, c'est ça, ouais, pour montrer son travail et pour pouvoir perdurer et continuer et valoriser ces artisanats-là. Bien sûr. Très très important. Alors justement, on va revenir, on va faire une légère coupure musicale. On reviendra un petit peu après sur est-ce qu'il y a une possibilité pour les personnes qui viennent de s'intéresser, d'avoir des pistes d'orientation pour pouvoir justement travailler dans ces métiers. Est-ce que vous me parliez aussi d'un partenariat avec un lycée? Donc on va en reparler, puis on va pouvoir s'intéresser à ça d'ici quelques minutes. Mais avant tout, on va se lancer un petit son. C'est parti. As soon as me I wake up in the morning, me I stretch this your big butter glue. I give thanks for the time, I give thanks for the day, cause I know this year I'm not gonna. Me grab a cup, let me roll a pot, steam your love when the sun is shining over you. I wish my day could be longer. Now go way too fast, cause me not want to pay the price. Too fast, yeah. Me tell you down by the road, where them are busy and broad, man. Out and love what me I do. The day I kick back a tease, man, I smile in the breeze. And you come up the way if you pass you. Me give a kiss, use it like a clue. Cause me not go run all the day after you. I wish my day could be longer. Switch up my days, cause me not want to pay the price. Then run away, away, away, away. Switch up my days. No crime. Et on se retrouve donc après cette petite interlude musicale. On abordait un petit peu avant, la pause tout ce qui était orientation pour la jeunesse, enfin pour les personnes qui seraient intéressées justement par ces métiers. Et votre partenariat avec le lycée, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai plaisir à accueillir à nouveau cette année donc, le lycée d'Arsonval, qui est spécialisé dans la formation aux métiers d'art, ouais. Notamment les métiers du bois. Notamment. Ça vous parle plutôt, oui. N'est-ce pas ? Alors, donc, l'ébénisterie, nous avons également les métiers tapisserie décor. Et puis également rideau, voilage, voilà. Et puis nous avons la formation au métier de la signalétique. Et ça, ça intéresse beaucoup les jeunes. Les métiers de la signalétique. Signalétique, oui. Alors faire des affichages, oui, faire de l'affichage. Ouais. Et puis également des autocollants, des choses comme ça. D'accord. Plein, des kakémonos, enfin tout ce qui est signalétique. Voilà. Donc il y a possibilité, des pistes pour ceux qui souhaiteraient se tourner vers ces métiers. Oui, exactement. Et c'est l'occasion, de façon toute simple, de discuter avec les enseignants qui sont sur place. Ouais. Il y aura, alors, le vendredi, je ne pense pas qu'il y ait d'élèves parce que c'est le dernier jour de cours avant, ouais. Avant les vacances. Oui, forcément. Malheureusement, mais en tout cas, voilà, il y aura toujours moyen de poser des questions et d'avoir des informations sur les métiers. Donc c'est une bonne approche. Voilà, et puis directement, justement, directement pouvoir en parler avec l'artisan, c'est mieux que il y a un côté plus vrai et plus sincère que si c'était de par une organisation tiers ou quelque chose. C'est vraiment le contact direct qui est mis en avant là. Oui, tout à fait. Et justement, est-ce qu'on aura des animations de prévues hormis ces stands avec ces artisans, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour Alors oui, effectivement, hormis les animations spécifiques à chaque stand, oui. À l'intérieur de l'espace À tout cœur et de la Maison des Arts, ce que j'évoquais tout à l'heure, nous allons avoir une démonstration sur l'esplanade, donc l'espace entre les deux bâtiments. Très bien. Sera occupé par Cyril De Battista, qui est forgeron. Mais pas seulement, il est métallurgiste, il est coutelier, puisque au final, sa fabrication, ce sont des couteaux. D'accord. Et il va jusqu'au bout de la démarche, puisqu'il crée également les étuis en cuir pour les couteaux. Et les manches en bois ou en corne, c'est selon. Voilà. Donc c'est vraiment un artisan complet, puisqu'il est capable de mener... de bout en bout, sa création. Mm-hmm. Et ça, c'est assez rare. Et il proposera justement de faire cette démarche C'est ça, il va faire complètement toutes les étapes d'une pièce, puisque justement, il nous a transmis la programmation et les horaires de telle heure à telle heure. Il va faire ça, telle partie du travail. Il va travailler avec une vraie forge sur l'esplanade. Donc ça, c'est passionnant à voir. C'est vrai. Je pense que ça va beaucoup intéresser les jeunes de voir ce travail avec le feu. Ouais. Et il y a une possibilité de participation pour... Enfin, est-ce qu'on peut créer quelque chose ? Est-ce qu'on peut... Ah non, là on n'approche pas. Non. Vaut mieux pas. Sécurité oblige. Non, on peut pas se permettre. Ouais. Autant va y avoir un atelier, par exemple, proposé aux jeunes pour créer des objets en vannerie. Ouais. Avec nos amis de la coopérative de vannerie de Villaine-les-Rochers qui seront présents. Mais là, le travail de la forge, non. Ce sera plus compliqué. Non. on laisse ça aux professionnels. On ne prend pas le risque, surtout pas. Non. Non, ce serait un peu trop difficile. Oui, je pense. Voilà, je pense également. Oui, mais, oui. Mais donc, justement, il y a des animations où on peut participer alors. Oui, absolument. Il va y avoir une animation qui va être très ludique, puisqu'il va y avoir ce qui est appelé un arbre à gestes, parce que cette année, chaque année, donc, il y a un thème qui est donné au plan national et international. Cette année, ce sont les métiers d'art, gestes de demain. Et donc, nous avons eu l'idée de faire appel à un faiseur d'images, Yannick Mouret. C'est un peintre très renommé et dessinateur très renommé dans la région qui habite à Èvres. Donc, en Val de l'Indre. Ouais. Et il va mener un atelier donc, pour petits et grands, parce qu'on sait que les grands aussi aiment bien dessiner, oui. colorier. Et c'est voilà. pas réservé qu'aux jeunes. Exactement. Et ils vont tout au long du week-end construire, entre guillemets, avec, à partir de dessins, autour du geste, justement, ouais. Un arbre. Et d'accord. qui va grandir tout au long du week-end. Et lors de la remise du prix du jeune public pour le stand préféré des jeunes, ouais. eh bien, cet arbre à geste sera admiré voilà, en fin de week-end. Et alors, il y a un prix comment, parlez-moi un peu de ça. Y a... C'est ça. Alors donc, les jeunes, tout au long du week-end, vont voter pour le stand qui leur plaît le plus. Et un jeune, c'est-à-dire, c'est quel, ça correspond à quelle tranche d'âge ? C'est ceux qui participeront à ces animations qui auront la possibilité de voter ou c'est, ah non, mais c'est tout public. Tout public. Tout public, tout jeune public mm-hmm. Sera sollicité pour dire quel est le stand qui lui plaît le plus et pourra voter avec le numéro du stand. D'accord. Tout simplement, il y aura une petite urne, donc c'est du vrai. Ah hein. Bah ouais. Attention, c'est du vrai. Voilà, comme ça. Et puis, il va y avoir également, donc, ce que j'évoquais déjà, un jeu photo-indice tout oui. au long du week-end, pas seulement pour les scolaires, mais tout au long du week-end, les jeunes pourront s'amuser à aller d'un stand à l'autre pour trouver la photo-indice c'est ou le détail d'un outil, reconnaître ce que c'est. Et toujours, justement, voilà. mettre en avant cet échange avec, aller parler, justement, aux... Avec les professionnels. C'est ça, ouais, oui, pour oui, pouvoir, justement, absolument. Les intéresser, faire la communication, tout simplement. C'est ça. Et, excusez-moi, je tout saute. Oula, j'ai l'idée qui m'échappe. En même temps que j'ai toussé, ma question m'est échappée en même temps. Oui, vous aviez aussi évoqué cette pause gourmande qui met l'eau à la bouche, rien qu'à l'entendre. Oui, et qui génère beaucoup de visiteurs, justement, pour pouvoir en profiter. Effectivement, nous avons le plaisir d'avoir un partenariat avec Olivier Arlot, donc... un très grand cuisinier installé à Montbazon, oui, comme tout le monde le sait. En face du générique, c'est ça, exactement, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc, comme les deux années précédentes, nous allons avoir un espace à tout cœur gourmand ouais. avec un menu gastronomique proposé par Olivier Arlot. Donc, vraiment... Sur les deux jours. Sur les deux jours. D'accord. Et on ne peut pas réserver. Non. Donc, il faut venir... Directement. Directement et très tôt pour pouvoir en bénéficier parce qu'il est pris d'assaut. Ouais, bah, j'imagine. Ouais, bien sûr. Oui, oui. Et ma question me revient, j'ai un éclair de génie, si j'ose dire, toutes ces animations qui sont proposées pour le jeune public, est-ce que les enfants sont encadrés par des bénévoles ou par ah, toujours, l'événement, oui. ou alors oui. les parents doivent rester, est-ce que je peux venir avec mon enfant, le déposer entre guillemets, ça fait un petit peu colis Non, il n'y a pas de souci, puisqu'en fait, nous allons avoir le plaisir d'accueillir à nouveau cette année des jeunes du Conseil municipal des jeunes de Montbazon qui vont nous aider à accueillir le jeune public. Très bien, donc on peut y aller sécuriser. Oui, enfin bon, les parents se prennent au jeu aussi, oui, hein, de pense. Toute façon. Oui, oui, forcément. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Bon, bah super. Donc, le déjeuner d'Olivier Arlot. Voilà. Un bar également, me semble-t-il. Oui, c'est ça, oui. Le samedi et le dimanche, de 10h à 12h, voilà, sur les deux jours, avec ouais. de la viennoiserie, café, boisson. Et puis, alors, le dimanche, nous allons avoir à nouveau le salon de thé anglais, organisé par le comité de jumelage Montbazon-Brentwood. Le dimanche, ouais. donc de 14h à 18h, avec des boissons chaudes et fraîches, et puis des trifles, ouh. Des scones, eh muffins, bah. Cupcakes, lemon cake, Victoria sponge, apple pie. J'aurais pas fait mieux. Excellent, excellente prononciation. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations. Mm-hmm. Ah, mais je peux peut-être rajouter juste une exposition d'une voiture ancienne de 1935 qui va être exposée. Elle est en cours de restauration par l'atelier donc, Auto Classique Touraine, ouais. qui est situé rue de Tivoli à Vignier, donc très proche de lieu d'exposition. Mm-hmm. Et donc, cette pièce nous est prêtée pour montrer les savoir-faire dans un autre domaine. Donc, si vous aimez les belles voitures anciennes... C'est l'occasion de se régaler un petit peu. Absolument. Et encore une fois, j'imagine de pouvoir poser des questions, de pouvoir avoir des informations sur... Il y aura des informations qui seront sur un panneau avec toutes les indications par rapport à ce véhicule. Bon, oui. C'est parfait. Mm-hmm. Je crois qu'on en arrive tout doucement. On a fait un petit peu le grand tour parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de prévues pour ces 3 jours. Oui, c'est vrai. C'est un programme bien chargé, mais les visiteurs s'y retrouvent bien et reviennent. Voilà. Donc peut-être si vous pouviez nous faire un résumé bref de nouveau, vite, très rapidement, les dates, les informations. Toujours à Montbazon, donc vendredi 1er avril de 16h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h, les journées européennes des métiers d'art avec 22 exposants, entrée libre, très très important. Très important. Vous pouvez trouver donc les informations sur le site de la ville de Montbazon, donc www.ville-montbazon.fr avec un lien avec Facebook. Très bien. Donc, au plaisir de vous accueillir. Eh bien, écoutez, déjà, au plaisir et merci d'être venu au studio fixe de la Rage à Montbazon, donc. Merci de votre accueil. Ah bah, c'est un plaisir. Et puis, on espère vous croiser pendant ces journées à œuvrer devant le public. Merci beaucoup. Merci à vous encore une fois. Au revoir. Et vous êtes toujours sur la Rage en direct des studios fixes de Montbazon. On arrive tout doucement au terme de notre quotidienne. On va juste terminer cette musique et puis on reviendra très rapidement sur les différentes choses à attendre des jours qui viennent. Et puis on clôturera ça ensemble. A tout de suite. Oh, Et nous revoilà en direct de la rage. Alors, c'est vrai que j'y ai pas trop pensé, mais tous les sons qu'on va essayer de vous passer, que je vais vous passer, je vais les lister un petit peu sur une page internet. Là, je les énonce pas à chaque fois, mais on va faire en sorte d'avoir un suivi à ce niveau-là. Si une fois vous avez une musique qui vous marque, une musique qui vous plaît, vous pourrez la retrouver, retrouver l'artiste et le titre sur ce lien que je n'ai pas encore, parce que je ne l'ai pas encore créé forcément. Mais on vous tient au courant sur le Facebook de la rage dans les temps qui viennent. Donc, la rage. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau de prévu dans les temps ? On a toujours, et je ne l'ai toujours pas pu le passer, c'est un petit peu compliqué. J'ai des jours où je ne suis pas là, j'ai des jours où j'ai d'autres choses de prévu, mais on a toujours notre sympathique Fabrice Passe et son émission Sortez. On a, lui et moi, je vous en ai déjà parlé, enregistré une émission ensemble. Donc, demain, normalement, je vais essayer de vous la passer, histoire que vous puissiez un petit peu apprendre à le connaître et que vous puissiez apprécier ses émissions à sa juste valeur, je dirais. Donc on va essayer de se faire ça demain. J'ai aussi reçu, et je vais en profiter très rapidement, un mail d'une association montbazonnaise, compliqué à dire, montbazonnaise, qui répond au nom de 3 étoiles. C'est une association qui désire faire du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs ainsi qu'aux langues vivantes pour les jeunes de 6 à 16 ans. Donc c'est une association qui est nouvelle, donc elle recherche actuellement à lancer le truc. Donc ils ont besoin, forcément, vous l'imaginez, de bénévoles pour pouvoir encadrer ces jeunes le soir. Ils cherchent également, à partir du moment où ils auront plus de bénévoles, des créneaux horaires différents, donc de 16h à 18h le lundi et le mardi, ainsi que le vendredi de 15h à 18h et le samedi après-midi. On a donc un contact si vous vous sentez intéressé par ce genre de choses, pour pouvoir aider les jeunes un petit peu en difficulté, ou pour pouvoir simplement avoir un contact avec ces gens-là. Vous pouvez prendre contact avec l'association, donc c'est les3étoiles37 @gmail.com. Vous leur envoyez un mail, vous leur dites que vous avez entendu parler de leur assos sur la rage. De toute façon, j'ai répondu positivement à leur mail, donc on aura peut-être la chance de les avoir au micro de la rage d'ici quelques jours si tout se passe bien. Ce serait assez coolos. Ma foi, voilà, c'est à peu près tout. Ça fait maintenant 55 minutes à peu près qu'on est. 50 minutes, me dit mon compteur, qu'on est en direct. On va pouvoir clôturer là-dessus. On remerciera encore une fois Daniel Carl d'être venu nous parler de ces journées européennes des métiers des arts. Je vous encourage fortement à y aller. Je suis sûr que ce sera très très intéressant. Il y a beaucoup d'animation. C'est vraiment super qu'ils puissent faire un événement d'une telle ampleur. Donc vraiment, allez-y. Je vous conseille fortement d'y aller. Moi, je serai présent en tant que Xavier, non pas en tant que Xavier Rage, mais peut-être que je viendrai avec mon petit matos portable, histoire de prendre un petit peu votre ressenti sur ces journées. On pourra parler au micro, et puis si vous aurez quelque chose à dire, je serai là pour recueillir vos paroles. Et encore une fois, d'ailleurs, j'en profite. Mon Dieu, mais cette transition est parfaite, Xavier, c'est du beau travail d'animateur. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez, encore une fois, participer à la rage, la faire vivre, lui donner du cœur, du corps et de l'intérêt, venez au studio fixe de Montbazon, place des anciens combattants. Venez m'envoyer un mail sur larageccvi@gmail.com. Prenez contact avec moi, les micros sont là, tout est bon, on a du café, on est souriant, on est sympathique. Donc passez, venez nous parler de ce qui vous intéresse, venez aborder n'importe quoi, quelque chose qui vous passe par la tête, une histoire, rien, mais venez juste. C'est cool, vous verrez, il y a du chauffage quand les plombs ne sautent pas quand on l'allume, et puis on est encore une fois très sympathique. Donc voilà, je vais vous laisser là, ça sert à rien de parler encore une fois pour rien dire. Je vous fais à tous des gros bisous, j'espère vous retrouver régulièrement sur les antennes. Et puis voilà, salut à tous, ciao. Thank you. fois tu te barres en courant. Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui. J'ai l'impression que t'es pas au courant. Pourquoi tu te barres en courant? T'es pas au courant? Le temps passe trop vite évidemment. Moi par le temps contraint, presque escroqué, j'ai cru en ce truc. Et dans un troquet contre un verre, j'ai troqué mon trac en trinquant. Me sont venus sévères et triqués. Trinquons si t'as le temps, je te raconte. En peu de mots, je tapais depuis des mois. Chaque heure était un pas de moins et pas des moindres. Car j'avançais rapidement. Un rescapé démarre et son rap est dément. La nouvelle se répand comme une épidémie. Je te demande pas d'aimer si t'es capé, incapable de capter, coupe tout. Puisque décidément t'es pas des miens. Donc tu peux de moi dire t'as pas d'amis. Mais tu peux finir avec un tympan de moins. Je connais peu de monde parce qu'on n'est pas du même. Mais t'applaudis même si t'es pas d'humeur à taper des mains. Ce ne sont pas des mots, c'est juste un peu de moi. T'as peur d'aimer? Garde ton avis si t'es pas du mien. Et si t'as pas de meuf depuis des mois, si t'assures pas des masses, non non, démissionne pas stupidement. Comme ceux qui se tapent un demi pour pas se taper devant, devant d'autres filles. Moi, posé sur le canapé, je me quine un punch et commande un pichet. Puis reviens comme un pacha avec le numéro d'une conne en poche. Qu'est-ce qui m'en empêche? Depuis que je rappe, j'accroche même sans canne à pêche. Pourquoi tu te barres en courant? Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui. J'ai l'impression que t'es pas au courant. Pourquoi tu te barres en courant? T'es pas au courant? Le temps passe trop vite évidemment. Janvier, les rappeurs qu'aujourd'hui je fais briller. Je vous l'avoue, j'avais la fièvre hier. Et pourtant, quand dans le son je démarre, ce n'est pour moi qu'un poisson d'avril. Une farce à part ça, là, c'est fou comme le temps passe. Après avoir fumé. Ailleurs, tu vois pas proche de chez toi? Du théâtre. Du théâtre, t'aimerais qu'il y ait plus de théâtre? Mais juin, je me retrouve en juillet, moins joyeux. Mais j'étais personne, enfin, personne d'autre. Ou plutôt quelqu'un qui m'aime de moi doute. En septembre, après s'être embrouillé avec un rat brillant, j'ai vite appris qu'il avait rien compris.